Hood Boys. Hood Boys. Dans la ville, y'a les têtes de nœuds. Je rigole pas, ces bâtards m'auront peut-être demain. Fais rentrer billets, couleur tête de bœuf. Prends ton poumet, t'es mort si tu jettes le mot. Et baisse ta lampe, torche, c'est pour ton collègue, c'est pareil. De toute manière, le charbonneur, c'est pareil. Il fouille bien car on sait jamais. S'il trouve que tu me la frappes ensemble, c'est taré. Le F lève la bécane, bâtard tient le stun, tiens pas de béquille. Ça va graille impeccable, 2-3 crocs et 2 tiens que l'équipe. T'attends de la peufra, ça valait le coup. Descends surprise, ça va pas le cas. T'attends de la peufra, ça valait le coup. Descends surprise, ça va pas le cas. Je sers gros, j'suis dans l'auto et il commence à faire cri. Ma poche elle commence à se faire grosse. T'as toute la vie, j'pense au boule à faire qui. Prends le scooter, mais gros, tu vas faire qu'est.